En tenant notre maison avec simplicité, tout en conservant les apparences, tu ne dépenseras guère que 6 000 francs par an, ma dépense particulière exceptée dont je me charge. » La généreuse femme sauta toute heureuse au cou de son mari. « Quel bonheur de pouvoir te montrer de nouveau combien je t'aime » s'écria-t-elle. « Et quel homme de ressources tu es !»« Nous recevrons une fois notre famille par semaine, et je dîne, comme tu le sais, rarement chez moi. Tu peux, sans te compromettre, aller dîner 2 fois par semaine chez Victorin et 2 fois chez Hortense. Or, comme je crois pouvoir opérer un complet raccommodement entre Crevel et nous, nous dînerons 1 fois par semaine chez lui. Ces 5 dîners et le nôtre rempliront la semaine, en supposant quelques invitations en dehors de la famille. « Je te ferai des économies, » dit Adeline. « Ah ! S'écria-t-il, tu es la perle des femmes. « Mon bon et divin Hector, je te bénirai jusqu'à mon dernier soupir, » répondit-elle, « car tu as bien marié notre chère Hortense. » Ce fut ici que commença l'amoindrissement de la maison de la belle Madame Hulot, et, disons-le, son abandon solennellement promis à Madame Marneffe.